Unité 3, leçon 1, podcast 01. Salut Cécile! Salut! Salut les filles! Tu prends ce livre, Chloé? Tu vas adorer! Ah oui? Génial! Et dis, tu viens prendre un café avec nous? Désolée, mais j'ai encore du boulot. Ah, d'accord. Au fait, à quelle heure tu commences à travailler? Je commence à travailler à 9h30, mais on ouvre à 10h. Ensuite, je fais une pause à midi pour déjeuner. À 1h, je retourne au travail et à 5h30, je finis de travailler. Je rentre chez moi vers 7h du soir. Je retrouve ma petite famille. Je prépare le dîner et on dîne tous ensemble. On se raconte notre journée. Eh ben, quelle journée ! Et tu fais ça du lundi au samedi ? Non, le mercredi après-midi, je suis libre. Comme je suis stressée, je vais à la piscine de 3h30 à 4h30. Ça me relaxe. Après, je passe à l'association. Je prépare les dossiers des parrains et des marraines. Et le vendredi, je commence plus tard. À midi et demi. Ah, c'est bien ça. Alors tu fais la grasse matinée? Oh, pas du tout. Je vais au supermarché et je fais les courses pour la semaine. Ah, je comprends. Et tu fais le ménage aussi? Non, la corvée du ménage, c'est pour mon mari. Et tu viens au travail en voiture? Non, en métro. C'est plus rapide et plus écolo. C'est vrai. Bon, on y va, Julie ? Oui, oui. Allez, au revoir, Cécile.